Alors, frères et sœurs, bienvenue encore une fois à l'étude de la parole de Dieu à l'Église baptiste de l'Évangile de Val-d'Or. Aujourd'hui, nous allons adresser le sujet des fréquentations avant le mariage. Si vous voulez bien, on va se courber dans un mot de prière avant de commencer. Notre bon Père du ciel, nous savons que ta parole est la vérité et que tu es notre Dieu, notre Sauveur, notre Roi. C'est pourquoi nous nous courbons devant toi aujourd'hui, afin que tu nous éclaires, afin que toi, tu nous parles et non moi. Parle-nous à travers ta parole, à travers cet exemple que je veux amener aujourd'hui. Aide les personnes qui sont célibataires et qui se cherchent un conjoint, une conjointe, à trouver des vérités, des principes, des leçons qui pourront les aider dans cette recherche et dans cette aventure amoureuse peut-être. Bénis ton nom, ta parole. Amen. Alors, le recreational dating, excusez mon accent, recreational dating, voilà un terme qui est très populaire de nos jours. Ça signifie rencontrer, sortir ensemble pour le loisir, pour le plaisir. Et je ne parle pas ici d'amis qui sortent ensemble pour dire on va aller au cinéma, on va aller au théâtre, on va aller marcher, on va aller en camping, on va aller à un camp, toutes sortes de choses, on va aller prendre un café. Ce n'est pas de ce genre de rencontre-là que je parle aujourd'hui. Mais je parle d'un garçon et d'une fille qui se rencontrent et qui décident de se fréquenter, qui décident qu'ils sont agréables l'un envers l'autre. Exemple, il a un sourire charmant. Elle a un corps sexy. Elle a une belle voix sonore. Il a des amis cool. Il a une belle voiture, il a un beau scooter peut-être, ou un beau bicycle à gaz, une belle motocyclette, peu importe. Et donc, ils sont agréables l'un envers l'autre, ils se trouvent intéressants, et l'un demande à l'autre, « Voudrais-tu sortir avec moi? » Et s'il accepte, si elle accepte, le garçon, en général, va aller chercher la fille à la maison, chez elle ou ailleurs, et il va l'emmener au restaurant, il va l'emmener voir une pièce de théâtre, un cinéma, un spectacle quelconque, il va l'emmener quelque part pour que ce soit agréable avec les deux. Et après un certain temps, dans de nombreux cas, que ça se passe dans la voiture, que ça se passe en un appartement, chez des amis, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe souvent. Le garçon et la fille vont commencer ce que j'appelle le bécotage, à s'embrasser, à se caresser. Et ça peut se faire après la première rencontre ou ça peut se faire après plusieurs rencontres, tout dépendant des circonstances, des personnes qui sont impliquées dans cette aventure. La définition en tant que telle du recreational dating, c'est sortir ensemble sans avoir d'intérêt pour le long terme, sans avoir intérêt pour un engagement à long terme. Sortir ensemble seulement dans le but d'avoir du plaisir, de satisfaire ses émotions ou un besoin physique. Chose importante à savoir, le recreational dating, ce n'est pas un terme bien sûr biblique, mais cette sorte de rencontre, de fréquentation n'est pas enseignée dans la Bible. Ce n'est pas biblique, si on peut dire. Mais les relations sexuelles hors mariage, la Bible en parle. Et elle appelle ça de la fornication, de l'impudicité, de l'immoralité. C'est comme ça que la Bible appelle ça. Et c'est péché. C'est péché d'avoir une relation sexuelle avant le mariage, en dehors du cadre du mariage. Alors ce matin, j'aimerais qu'on se rappelle ou qu'on apprenne ensemble les vérités concernant le choix d'un époux, d'une épouse, d'un compagnon de vie, concernant les relations entre hommes et femmes avant le mariage. C'est de quoi je veux vous entretenir aujourd'hui. On l'a répété et on ne le répétera jamais assez, Dieu nous a créés dans un but très précis. Genèse chapitre 1, verset 27 nous dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Et littéralement, c'est « Dieu créa l'homme, c'est l'Adam. » C'est pas Adam, mais le Adam, c'est l'être humain. « Dieu créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Donc, Dieu nous a créé, l'être humain, afin de refléter son image. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, qui est écrit dans un contexte particulier aux Corinthiens. Alors, dans le contexte des repas, où est-ce qu'ils mangent, dans le repas du Seigneur, où est-ce que personne ne s'attend, un qui est fini, l'autre n'a pas terminé. Il y en a qui ont beaucoup de bouffe, il y en a d'autres qui en ont moins. Mais ce n'est pas sur ce parti du texte que j'aimerais vous entretenir, c'est plus vers la fin, mais je vous le lis au complet. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Tout faire pour la gloire de Dieu. Donc, nos relations aussi, on veut honorer Dieu, on veut glorifier Dieu dans nos fréquentations, n'est-ce pas? Colossiens chapitre 1, verset 16 nous dit « Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est invisible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. » Donc, tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, pour sa gloire, pour lui. Nous avons été créés pour lui. Donc, Dieu t'a créé, toi, dans un but très précis, c'est pour lequel tu es venu au monde. Et ce n'est pas, excusez, par hasard que tu es venu au monde. Ce n'est pas par erreur que tu es venu au monde. Ce n'est même pas un accident que tu sois venu au monde, quoique peut-être on t'ait laissé croire cela. Ce n'est même pas parce que ton père et ta mère t'ont désiré que tu es venu au monde, mais c'est parce que Dieu t'a voulu. Dieu t'a créé dans un but très précis, pour la louange, pour sa louange, pour son honneur et pour sa gloire à lui. J'ai été créé pour Dieu, pour une autre personne que moi-même. Le but de ma vie, c'est Dieu. Et si tu envisages de poursuivre ta vie à deux, tu devrais rechercher une personne qui recherche ce même but, qui a ce même but que toi en tant que croyant, en tant que croyante. Je veux honorer Dieu de ma vie et je recherche quelqu'un qui va faire la même chose avec moi, avec lequel on va pouvoir le faire à deux. Ceci étant dit, nous allons regarder comment est-ce que l'on peut rechercher un compagnon de vie, un époux, une épouse, un futur mari, une future femme. À partir de quels critères est-ce que je devrais choisir mon mari, je devrais choisir ma femme? En allant plus loin que simplement par le fait que je suis attiré physiquement, peut-être par cette personne, ou par mes émotions, mon cœur palpite lorsque je suis près d'elle. Allez au-delà de ça et regardez ce que Dieu a à nous dire là-dessus. Donc, le texte que j'ai choisi ce matin n'a pas été écrit dans ce but. Il n'a pas été écrit dans le but de nous montrer comment fonctionnent les relations hommes et femmes. Mais je crois que nous pouvons voir, nous pouvons en tirer des leçons, des principes, des conseils de Dieu, des conseils bibliques qui vont nous aider, qui vont vous aider à choisir, à analyser la situation, à savoir, est-ce que c'est une personne pour moi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ma relation avec cette personne? Romains chapitre 15, verset 4 nous dit, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » On parle de la parole de Dieu. « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Et on veut s'instruire de la parole aujourd'hui afin de savoir ce que Dieu a à nous dire sur le sujet. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ça tombe comme ça, aujourd'hui même, le 16 octobre, ça fait exactement 18 ans que Lorraine, mon épouse, m'a glissé cette bague, cet anneau, au doigt. 18 ans, en symbole de notre amour, en symbole de notre engagement l'un envers l'autre, de notre engagement envers Dieu et devant Dieu également. Et je suis persuadé que c'est parce que nous avions des bases solides, que nous avions certains de ces principes dans notre vie, qu'aujourd'hui encore, après 18 ans, je peux dire « je suis amoureux de mon épouse, je suis amoureux de Lorraine, je suis heureux avec elle, je suis heureux de marcher sur le chemin de Dieu avec elle, ensemble, côte à côte, main dans la main, avec Dieu. » Donc, je vous invite à tourner avec moi dans le Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Je vais d'abord vous résumer les chapitres 27 et 28. Isaac se fait vieux et il désire donner sa bénédiction à son fils Ésaü, qui est son préféré. Et Rebecca, son épouse, l'épouse de Isaac, a entendu ce que Isaac a dit à Ésaü. Pour elle, son préféré, c'est Jacob, le plus jeune, le cadet, et elle désire que ce soit lui qui reçoive la bénédiction, ce qui ne devrait pas être, puisque c'est l'aîné qui recevait la bénédiction. Et là va commencer une sombre histoire de famille qui nous est révélée dans les chapitres 27, 28 et 29. Jacob, le cadet, n'est pas un homme parfait. Il a trompé son frère Ésaü. Et sa mère Rebecca n'est pas non plus une mère parfaite. Elle va persuader Jacob de prendre, de revêtir les habits d'Ésaü pour avoir son odeur, pour avoir ses habits, parce que Isaac, sa vue a baissé, il est rendu pratiquement aveugle. Et pour reconnaître ses fils, il va les toucher, il va les écouter, il va les sentir. Donc, Rebecca, convainc Jacob de revêtir les habits d'Ésaü pour se faire passer pour Ésaü, afin de recevoir la bénédiction. Donc, il va revêtir les habits, il va se couvrir les bras d'une main de peau velue, parce que son frère était très poilu, afin d'obtenir, je disais, la bénédiction du père. Et lorsqu'Ésaü, et ça va arriver, c'est ce qui va arriver, c'est Jacob qui va obtenir la bénédiction. Et lorsque cela va arriver, Ésaü va découvrir ce qui s'est passé. Et là, il va se mettre dans une grande colère, il va dire « Je vais tuer mon frère Jacob ». Et Rebecca l'apprend, bien sûr, et elle va faire fuir, elle va dire à Jacob « Va-t'en ». Dans le but que la colère de Ésaü puisse s'estomper, justement. Méchant problème de famille, voyez-vous. Un gros problème de famille. J'invite à relire les chapitres 27 et 28 de Genèse. C'est beaucoup plus détaillé de ce que je le dis. Donc, ainsi, ce conflit familial-là, cette tromperie fraternelle, va faire en sorte que les deux frères ne se verront plus pendant plus de 20 ans. 20 ans et plus sans se parler. Gros problème familial, n'est-ce pas? Il y en a un qui fuit pour sa vie. Mais ce qu'on va voir à travers cette circonstance triste, c'est que Dieu, malgré le péché de Jacob, Dieu, dans sa grâce, va prendre soin de lui, va le protéger, va le bénir, va faire fructifier l'œuvre entre ses mains. Et Jacob ne mérite pas ça. C'est la grâce de Dieu qui donne ce qu'on ne mérite pas. Et c'est la même chose que Dieu fait pour nous. Il fait couler sa grâce sur nous à cause de Jésus-Christ. Il ne nous donne pas ce que l'on mérite. Souvenons-nous que c'est justement, oui, parce que nous sommes des enfants de Dieu, que Dieu nous a adoptés en tant que ses enfants, qui dirige toutes choses également en notre faveur. On connaît le verset qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » dans Romains 8. Et le verset suivant, qui est collé et qui va ensemble, dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Donc, ceux qu'il a connus d'avance sont ceux que Dieu aime, ceux qui aiment Dieu. Et Dieu fait concourir toutes choses pour leur bien. La toute chose, c'est qu'il soit semblable à l'image de son Fils. Oublions pas ça pour nous dans le Nouveau Testament. Toute chose concourt à mon bien, c'est pas que je gagne le gros lot, c'est pas que j'aie une maison, une auto, tout ça, mais que je sois que je parvienne à l'image du Fils de Jésus-Christ. Et je suis déjà à l'image de Jésus-Christ, parce que mes péchés sont pardonnés, parce que je suis enfant de Dieu. Donc, regardons ces événements dans le chapitre 29 de la Genèse qui ont concouru au bien de Jacob également. Durant ces années tellement importantes, où est-ce qu'il a choisi la femme de sa vie, son épouse avec laquelle il a passé le restant de sa vie. Donc, lisons ensemble Genèse, chapitre 29, versets 1 à 21. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous? » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Et il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nakhor? » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé? » Et ils répondirent, « Il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, et il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel est ton salaire. » Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Donc si on résume rapidement ce qu'on vient de lire, Jacob arrive de sa fuite de son frère, il a quitté sa famille, et il est rassemblé avec d'autres bergers. Il pose des questions, « Connaissez-vous Laban? » Tout ça. Puis il dit, « Oui, on connaît. » »« Ah, Rachel, justement, elle arrive. » Rachel, la bergère, arrive sur les lieux. C'est la fille de Laban, l'oncle de Jacob. C'est donc sa cousine germaine. C'est là que Jacob va faire la connaissance de Rachel et que va commencer l'aventure amoureuse, si je peux l'appeler ainsi. 7 ans plus tard, va aboutir leur mariage. Donc, j'aimerais tirer de ce récit dont on vient de lire, et un petit peu avant, un petit peu après, 6 leçons. Et on peut considérer ces leçons-là comme 6 règles d'or qui devraient guider le croyant et la croyante au moment où est-ce qu'ils pensent fréquenter une personne, dans le but de vivre avec elle peut-être, à l'intérieur, bien sûr, du cadre du mariage. Je précise bien entendu que ce message s'adresse à des croyants premièrement. Donc, première leçon, je disais qu'il y avait 6 leçons. Première leçon, dans le chapitre 28, un petit peu avant du chapitre 29 qu'on vient de lire, dans le chapitre 28, verset 10 de la Genèse, Dieu a rencontré Jacob à Bethel et il l'a béni, lui promettant un avenir et une postérité. 28:10 nous dit « Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il alla dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il y prit une pierre, dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, et je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Orient jusqu'à l'Occident, du septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai point jusqu'à ce que j'aie exécuté ce que je t'ai dit. » Il a donc fallu que Jacob rencontre premièrement Dieu avant de rencontrer Rachel. Voici la première leçon. Lorsqu'un homme ou une femme envisage de fréquenter quelqu'un, il devrait d'abord en faire un sujet de prière très précis. Il devrait s'arrêter dans la présence de Dieu pour lui permettre que Dieu puisse leur parler, puisse lui parler dans ce choix. Qu'il mette un temps spécialement pour ça, afin de prier et d'étudier la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet des fréquentations, de ma fréquentation, de mon attitude, de mon désir? Nous vivons dans une époque où est-ce que Satan, le prince de ce monde, pousse les gens à se précipiter dans les décisions les plus importantes de leur vie. Pourtant, c'est possible pour un croyant de refuser de se laisser avoir dans cet engrenage, pour permettre à son Seigneur, à son Dieu, de lui révéler quelle est sa volonté pour lui, pour son avenir. Donc, le choix d'une épouse ou d'un époux doit d'abord être précédé d'une rencontre avec Dieu. Toi, avant de penser même, de dire « j'aimerais me marier, j'aimerais avoir des enfants, j'aimerais vivre avec quelqu'un », est-ce que tu vis avec Jésus? Est-ce que tu as d'abord rencontré Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu peux dire, aujourd'hui je suis né de nouveau, non à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que lui a fait? Non parce que je mérite quoi que ce soit, mais parce que tous les mérites sont à lui. C'est lui qui a pris sur lui mon péché, qui a subi ce que je devais subir, la colère de Dieu à ma place. C'est lui mon substitut. Et je me présente devant Dieu humblement, en tant que son serviteur, en tant que son enfant. Est-ce que tu as d'abord rencontré Dieu? Le choix d'un époux ou d'une épouse doit d'abord être précédé d'une rencontre avec Dieu. Et je l'affirme avec conviction, le Seigneur donne encore aujourd'hui le meilleur à celui qui sait attendre. Deuxième leçon. Deuxième leçon que le croyant devrait observer en vue d'une fréquentation, en vue de fiançailles, en vue d'un mariage heureux, je pense que cette deuxième leçon est encore plus importante que la première. Jacob n'a pas, comme son frère Ésaü, cherché sa femme parmi les jeunes filles païennes des tribus voisines, ce qui avait tant peiné ses parents. Lisons Genèse chapitre 28, versets 6 à 9. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les femmes de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaïe comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Malahat, fils d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. Donc, sur leur demande, Jacob s'est rendu dans la famille de sa mère. Cette famille de croyants qui, depuis l'époque d'Abraham, avait quitté les idoles pour servir le Dieu vivant, le Dieu des cieux. Jacob a donc cherché sa compagne, sa future épouse, dans une famille de croyants. Si tu aimes Jésus, c'est important, c'est essentiel même de choisir quelqu'un qui aime Jésus également. Frères et sœurs, ça ne veut pas dire que parce que les gens s'assoient à côté de vous, dans les bancs, à la chapelle, à l'église, qu'ils sont des croyants. Faites attention. Si dans ton église, il n'y en a pas de la jeunesse, il y en a moins, et tu dis, moi, je veux me marier, je recherche un conjoint, une conjointe, tu peux aller à des camps de jeunesse. Tu peux aller à des églises où est-ce que la jeunesse, il y en a beaucoup. À des endroits, justement, où est-ce que les chrétiens, chrétiennes se réunissent, les jeunes croyants, ou plus vieux même, tout dépendant de ton âge, toi qui es célibataire, des endroits pour célibataires, justement, chrétiens. Il y a des camps pour ça. Il y a des églises, il y a des ministères envers eux. Sûrement, certainement que tu les connais. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. « N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. » Parole de vie. J'aime bien cette traduction-là. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. « N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? » La réponse est non, bien entendu. Est-ce que la lumière va avec la nuit? La réponse est non. Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? La réponse est non, c'est évident. Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Et la réponse est encore non, c'est évident. Lorsque chacun tire sous sa couverture, qu'est-ce qui arrive? Croyant, non-croyant. Il y en a un qui a froid, il y en a un qui est délaissé. Ou ce qui arrive, c'est que la couverture déchire, ça ne fonctionne pas. Tu ne seras jamais vraiment heureux ou heureuse si, ayant accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, comme ton Roi, tu te mets à fréquenter une femme ou un homme qui n'appartient pas justement à ce Sauveur-là. Deux buts différents, deux destinées différentes. Tu ne seras jamais pleinement heureux, heureuse, si tu te laisses éblouir par les avantages de telle ou telle partie, sans d'abord t'assurer de l'essentiel, l'homme ou la femme qui me plaît, envers laquelle je suis attiré, envers laquelle je réfléchis de fréquenter à long terme et plus sérieusement, est-ce qu'il est chrétien lui aussi? Est-ce qu'il aime Jésus? Est-ce qu'il a le même but que moi dans la vie? Comment est-ce que tu peux savoir ça, à part le fait qu'il te dit? Alors, quel est le témoignage de son Église? Est-ce qu'il fréquente une Église, première des choses? Et quel est le témoignage de l'Église, que l'Église rend de lui? Est-ce que ses parents sont croyants? Ça peut être oui, peut-être que non. Si oui, est-ce qu'ils disent de leur enfant, de leur fils, de leur fille, ou de toi, ou de lui, ou de elle, qu'ils sont croyants, que vous êtes croyants? Important, essentiel, c'est la base. Ne pas penser, il va le devenir, je vais le changer, je vais y annoncer l'Évangile, je sors avec lui pour y annoncer l'Évangile. Tant de fois, nous avons vu ça. En tant que pasteur, même, pas besoin d'être pasteur, avoir vu ça, mais on a vu ça tant de fois. Je vais sortir avec lui, puis j'y annonce l'Évangile, puis qu'est-ce qui arrive? Il ne se convertit pas, mais tu es en amour avec lui. Et là, tu te maries. Et des années plus tard, si tu étais croyant ou croyante, tu regrettes ton geste. Mais il est trop tard. Il est trop tard. On a trop souvent vu ça. Et c'est rarement que le conjoint va se convertir. C'est pas que ça n'arrivera pas, mais déjà ta fréquentation, elle est mauvaise, elle est malsaine, elle est péché contre la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Ça peut arriver éventuellement que la personne se convertisse. Ça arrive, mais ce n'est pas la règle, ce n'est pas la majorité, c'est ce que je veux dire. Mais gloire à Dieu si ça arrive. J'ai tellement vu, malheureusement, de croyants, de jeunes et de plus vieux, désobéir à Dieu et se marier avec un non-croyant, avec une non-croyante, parce qu'ils avaient des affinités ensemble. Ils aimaient les mêmes choses. Ils étaient attirés l'un par l'autre. Ils avaient le même âge, le même vécu. Pourtant, il y a quelque chose qui les séparait. Le péché. Dieu n'accepte pas ce genre de relation. Toi qui veux servir Dieu, toi qui étais créé pour le servir, réfléchis à ça. Ça doit peser énormément, ça doit peser dans la balance. Le reste, c'est peu, c'est léger comparé à « je veux faire la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu me dit » et mes sentiments, mes émotions, tout ça. C'est pas que c'est pas important. Si tu trouves un croyant, une croyante, il faut qu'il y ait les émotions aussi. Il faut que je sois attiré par cette personne-là. Il faut que je la désire, il faut que j'ai des affinités avec elle. Mais d'abord, est-ce que c'est un croyant? Est-ce que c'est une croyante? J'aimerais vous donner une partie de mon témoignage. Je me souviens très bien que lorsque je suis devenu un nouveau-né spirituel, lorsque je me suis converti, lorsque Dieu m'a sauvé, m'a fait grâce, j'étais un jeune croyant et je vivais à ce moment-là avec une femme non-croyante. Pas que j'ai décidé de vivre avec elle, mais depuis 2 ans déjà, moi et cette femme, nous vivions ensemble en tant que non-croyants. Et là, je me convertis. Et après ma conversion, j'ai soumis, pas quelques années plus tard, rapidement, lorsque j'ai compris les choses, lorsque j'ai compris ma nouvelle nature et la volonté de Dieu pour moi, alors que je n'étais pas marié et que je vivais dans l'impudicité, j'ai prié Dieu et je lui ai demandé conseil. Ma parole était, si c'est ta volonté si c'est la femme de ma vie, si c'est la femme pour moi, alors Seigneur, tu vas la sauver. Je le sais. Pas que j'exigeais de Dieu de la sauver, non. Mais je me disais, si Dieu veut me la donner, si c'est la femme de Dieu pour moi, il faut qu'elle soit croyante. C'était ça ma logique. Je suis un croyant, je veux servir Dieu, donc j'ai besoin de... Je vais vivre avec une personne qui soit croyante, et qui veulent servir Dieu. Et cette personne-là ne l'était pas. Donc, je m'étais laissé un temps très court à Dieu, jusqu'à un certain point, pour lui permettre, dans sa grâce, de sauver cette personne-là. Ma parole n'était pas, « Seigneur, si c'est pas elle, tu as juste à l'enlever de ma vie. Hein? Si tu veux pas que je la marie, que je vive avec elle, fais quelque chose, casse-moi une jambe, fais qu'elle s'en aille. » Non, ça, c'est tenter Dieu. La parole de Dieu est claire. « N'allez pas vers ceux qui ne croient pas en Dieu, vous ne pouvez pas vivre ensemble. » J'ai été convaincu de ça. Et rapidement, je l'ai communiqué à cette personne-là. Si elle ne se convertit pas, alors ce n'est pas la femme pour moi. C'était clair. Même si je l'aime, et je l'aimais, même si je la trouvais jolie, même si j'étais attiré par elle, même si nous avions une multitude d'affinités ensemble, depuis 2 ans on vivait ensemble. Si nous n'avons pas Jésus en commun pour partir, alors ça ne vaut pas la peine. Pour débuter notre vie, il faut la débuter avec Jésus, main dans la main. Mais dans sa grâce, Dieu l'a sauvé 1 mois après moi. Et comme je le disais tantôt, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, qu'on est heureux, qu'on est amoureux, grâce à Dieu, à cause de Dieu. Je suis persuadé que Dieu est le ciment qui nous unit aujourd'hui, qui nous a aidés à passer à travers les tempêtes. Parce que Lorraine et moi, nous sommes croyants. Dieu nous a sauvés. J'étais triste à l'idée de perdre Lorraine, mais j'étais tout aussi résolu de suivre Jésus, de lui obéir. Donc, la deuxième leçon, l'être aimé doit être, lui aussi, un croyant, une croyante. Dans le chapitre du Nouveau Testament consacré au mariage, l'apôtre Paul précise que lorsqu'il parle de l'union de deux croyants, il dit « seulement que ce soit dans le Seigneur ». En Corinthiens. Frères et sœurs, si tu es un croyant, si tu es un chrétien, une chrétienne, et que tu envisages t'unir avec un non-croyant, tu vas avoir d'amers regrets, je te le dis. Peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'il va se passer plusieurs années avant que tu réalises tout ça. Mais tranquillement, tu vas voir les dégâts, les effets de vivre avec un non-croyant. Il vaudrait mieux rompre le lien que Dieu désapprouve que de rester et vivre dans la désobéissance, avant le mariage, bien entendu. Troisième leçon, en choisissant sa femme dans la maison de Laban, son oncle, Jacob accomplissait à la lettre le profond désir de ses parents au moment de son départ de Beersheba. Lorsque Jacob est parti, ses parents avaient dit, va-t'en à la maison de Laban. Va-t'en par là. Il y a des croyants là. Choisir une femme là. Et Jacob a obéi. Frères et sœurs en Jésus, ne méprisez pas les conseils de vos parents croyants. Et je précise croyants ici. N'agissez pas dans l'indépendance et la précipitation. Certains obstacles vont tomber d'eux-mêmes si vous savez patienter, si vous savez attendre quelques mois et plus. Ne dédaignez pas la bénédiction des parents qui partagent la même foi que vous, peut-être. Ce précieux apport à la construction de votre futur bonheur familial. Non, les parents ne choisissent pas pour vous. Les parents ne décident pas pour vous. Ils ne tombent pas en amour à votre place, non. Mais vos parents vous ont enseigné et vous ont conseillé depuis que vous êtes en tout bas âge, depuis votre jeunesse. Ils vous ont conseillé dans votre vie jusqu'à présent. Ne méprisez donc pas leurs conseils, parce que c'est un choix tellement important qui va avoir un impact durant le restant de votre vie. Vos parents vous aiment. Ils veulent le mieux pour vous, le meilleur pour vous. Et la même chose pour vos fréquentations, pour votre futur mari, votre future épouse. Ils veulent le meilleur pour vous. Mais oui, c'est à vous de choisir. Vous avez le dernier mot. Quatrième leçon, il faut que le futur fiancé découvre l'âme sœur. Je m'explique. L'Écriture parle de l'aide semblable à lui, ou comme le dit la version Darby, une aide qui lui correspond, son égal, dans Genèse chapitre 2, verset 18. Que de foyers hâtivement construits courent le risque de l'éclatement parce qu'ils ont de profondes divergences sur différents sujets, des sujets d'éducation, comment est-ce qu'on éduque les enfants, le baptême, différence de nationalité. On n'a pas prévu le coup avant. On s'est précipité, puis là, on s'aperçoit qu'on est pas mal différent. Chose qu'on aurait vue si on avait pris le temps de se fréquenter. Et peut-être qu'on serait resté quand même ensemble. Mais on aurait su avant. J'aurais su! Mauvaise compréhension, des fois, au sujet de la soumission. Mauvaise compréhension au sujet de l'autorité. Hein? Ton épouse, c'est ton égal. Ce n'est pas ta servante. Ce n'est pas uniquement à elle de prendre soin des enfants. C'est à toi également. Tous les deux, vous élevez les enfants vers Dieu. Je disais aussi problème de compréhension sur ce qu'est l'autorité. Ton père est autoritaire, et là tu dis, moi je veux un mari qui a un certain leadership, qui a une autorité, et ton ami, ton mari ou ton, c'est ça, a une autorité silencieuse qu'on appelle. Et là, tu penses qu'il n'y a pas d'autorité. Et tu le traites de pâte molle, tu dis qu'il n'y a pas de couilles, parce que tu as une mauvaise compréhension de ce qu'est l'autorité. Deux familles, deux façons de vivre qui vont s'agencer, qui vont essayer de tranquillement de former une seule famille, une seule chair, comme la Bible nous dit. Donc, c'est pas évident. Je viens d'une culture, la même peut-être, langue différente peut-être, arrière-plan religieux différent, des traditions différentes. Donc, il y a plein de choses qui, pendant les fréquentations, c'est là que tranquillement, on voit si on est fait pour vivre ensemble, si on s'entend ensemble, si on se sent méprisé dans les fréquentations. Ça ne changera pas pendant le mariage, là. Il ne faut jamais dire, il y a des petits défauts, mais je vais le changer pendant le mariage. Non. C'est l'œuvre de Dieu de changer la personne, ce n'est pas à toi. Donc, ces frictions qui apparaissent au moment de crise, justement, souvent lorsqu'on élève les enfants, il faut y avoir pensé avant. Bien entendu, il y a des choses qu'on ne peut vivre qu'on va voir, réaliser simplement lorsqu'on va vivre avec cette personne-là. Mais il faut vraiment réfléchir. C'est important et prendre son temps. Parce que notre décision du moment va avoir un impact dans 30 ans, dans 40 ans, dans 60 ans. Mais pour Jacob, Dieu avait tout préparé. Il savait que Jacob passerait la majeure partie de sa vie à prendre soin des troupeaux de Laban et des siens ensuite, donc en tant que berger dans les champs. Et la femme qu'il avait préparée pour lui, cette femme vertueuse, apparut au puits de Charan sous les traits d'une jeune bergère, tout comme lui. Comme il parlait encore, dans Genèse 29, verset 9, comme il parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Jacob a roulé la pierre de la margelle pour abreuver son troupeau. Et il n'en a pas fallu plus pour que s'amorce l'aventure amoureuse. Lorsque Jacob a vu Rachel, il a eu le coup de foudre. Elle lui est tombée dans l'œil, comme on dit. Il est allé même trop vite parce qu'il l'a embrassé. Et ensuite, il a pleuré. Il était gêné, peut-être. Heureux, confus. Et Jacob baisa Rachel et il éleva la voix et pleura. Genèse 29, verset 11. Ce qui nous amène à la cinquième leçon. Tout est pris qu'il fut. Elle lui est tombée dans l'œil. Il est en amour avec elle. Elle ne le connaît pas, mais lui, c'est comme, oups, c'est elle. Tout est pris que Jacob fut, il a su se ressaisir. Il n'a pas laissé ses émotions le guider. Il s'est fait présenter, on lui a présenté Laban, le père de Rachel, et Jacob s'est donné, première des choses, un mois de réflexion. Dans Genèse chapitre 29, 12 à 18, on peut lire « Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui et l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel est ton salaire? » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel, elle était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel et dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Donc, Jacob, après un mois de réflexion, a dit à son beau-père, « Je vais te servir 7 ans pour Rachel. » Pensez-y, là. 7 ans, c'est long. C'est long, 7 ans. Qui de nous fréquenterait une femme ou un homme et attendrait 7 ans avant de marier avant d'avoir des relations sexuelles. Parce qu'à la fin du verset 21, ça dit « Donne-moi-la, j'ai servi 7 ans afin que j'aille vers elle. » Et le terme « aller vers elle », c'est comme lorsque Adam est allé vers Ève et elle enfanta. C'est avoir une relation sexuelle. Donc, 7 ans, c'est long. On a le temps de connaître l'autre personne. On a le temps de la connaître sous toutes ses coutures. On l'a vu lorsqu'elle est fâchée, lorsqu'elle est heureuse, lorsqu'elle est moins de bonne humeur, lorsqu'elle est blouse, lorsqu'elle est malade, lorsqu'elle est irritée, lorsqu'elle chante, lorsqu'elle pleure, lorsqu'elle dort. On l'a vu sous toutes ses coutures, lorsqu'elle est épuisée, lorsqu'elle est pleine d'énergie, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Après 7 ans, Jacob pouvait encore dire « Je l'aime ». Il a servi 7 ans et ça lui a paru comme quelques jours parce qu'il l'aimait, parce qu'il aimait Rachel. Donc, il ne faut pas, ce que je peux tirer, l'application que je peux tirer du texte, c'est qu'il ne faut pas agir avec précipitation dans une décision aussi importante. Parce que, je le répète, ce choix va avoir un impact à long terme dans ma vie. Et je ne peux plus revenir en arrière après. 6e leçon, ça nous amène à la dernière leçon. Et c'est peut-être une leçon élémentaire, mais elle est amenée à la dernière, ou dans les derniers versets, dans les derniers lieux de Genèse 29, consacrés aux fiançailles de Jacob. Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Et j'ai déjà survolé un peu ce point-là. Et donc, il ne s'agissait pas pour Jacob de ce faux amour dominé par les émotions qui s'estompent avec le temps. Les intérêts, la sensualité et tout ça. Il était près d'elle et en même temps, il n'était pas près d'elle. Il n'a pas pu la toucher pendant 7 ans. Au lieu de trouver le temps long et de précipiter les choses, au contraire, il n'a pas vu les années passer, la Bible dit. Parce qu'il a su conquérir progressivement le cœur de Rachel. On voit ce que je disais, que Rachel est tombée dans l'œil de Jacob. Il est tombé en amour avec elle. Ça a été le coup de foudre. Ça ne nous dit pas la même chose de Rachel. Le père a dit à Jacob, « Ok, je te la donne. » C'est un choix imposé. Rachel n'a pas le choix. Faut qu'elle... Son futur mari, c'est Jacob, dans la culture juive de ce moment-là. Et dans bien d'autres cultures aujourd'hui aussi. Mais l'idée, c'est que pendant ces 7 années-là, Jacob a su gagner le cœur de Rachel, qui a appris à aimer, à apprécier Jacob également. Donc, il n'a pas vu les années passées. Pour Jacob, l'attente ne fut pas du temps perdu. Parce que son amour pour Rachel, il s'est épanoui. Il a grandi. Ils ont grandi ensemble. Leur amour a grandi ensemble. Le temps passé avec elle et en même temps, le temps, comme je disais tantôt, pas réellement passé avec elle, a été révélateur du véritable amour. Le temps d'attente et de fréquentation a prouvé, a mis à l'épreuve l'amour qui avait été verbalisé. Je t'aime. Oh oui, 7 ans après, tu le dis-tu? Ou t'es passé à un autre? Ou t'es passé à autre chose? Non, après 7 ans, Jacob disait encore à Rachel, je t'aime et je veux t'épouser. Si ça n'avait pas été le véritable amour, si les sentiments de l'un ou l'autre n'avaient pas été réels, alors le temps, justement, les aurait séparés. Parce que Jacob aimait Rachel, il n'avait pas de plan B. Il n'avait pas de plan B. Le plan B, c'est quoi? Exemple. Un plan B, c'est si elle ne se presse pas, ben, je vais aller vers une autre. Et là, je ne parle pas nécessairement de Jacob ici. Est-ce qu'on aime vraiment une personne? Est-ce qu'on est vraiment aimé d'une autre personne? Je veux prendre mon temps dans notre relation. Je veux qu'on bâtisse notre futur foyer sur des bases solides, sur la parole de Dieu. Je veux qu'on apprenne à se connaître. Ben là, écoute, si tu n'es pas plus pressé que ça de vivre avec moi, ben je vais aller ailleurs. bien là, c'est pas juste « moi je t'aime, toi tu m'aimes pas ». Il y a de la pression. S'il y a de la pression immédiatement sur le couple, il va en avoir dans le futur. Il n'y avait pas de plan B pour Jacob, et l'amour n'a pas de plan B. S'il ne veut pas aller jusque-là, je vais aller vers une autre. Jacob n'avait pas de plan B parce qu'il aimait Rachel. Il n'y en avait pas d'autre. Et cet amour éprouvé a été le ciment qui a uni définitivement ces deux vies, formées l'une pour l'autre en vue des tempêtes qu'ils allaient affronter dans la vie en tant que couple. Alors, mon frère, ma sœur, que le véritable amour ait le temps de s'épanouir, de grandir, d'être éprouvé à travers vos fréquentations. Donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps. Ne vous mettez pas de pression. Ne vous méprisez pas. Aimez-vous dans les gestes quotidiens. Apprenez à vous connaître. Que ces sentiments que vous avez l'un pour l'autre puissent être éprouvés dans un mois, dans 6 mois, dans 1 an. Est-ce qu'ils vont être encore aussi forts? Est-ce qu'ils vont être encore là? Je veux t'épouser maintenant. OK, on va reparler dans 1 an. Dans 1 an, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu seras encore là? Est-ce que tu as ce même désir exprimé envers moi que j'ai envers toi? Que cet amour puisse croître durant vos fréquentations sous la bénédiction du Seigneur. Choisir un compagnon de vie, c'est-à-dire un futur époux, une future épouse, c'est un choix extrêmement important. C'est pourquoi il faut prendre son temps et ne pas le faire à la légère, avec précipitation, sous l'impulsion des sentiments du moment. Si je résume les 6 points, les 6 leçons, Jacob a d'abord rencontré Dieu. Première leçon, il faut que tu rencontres Dieu premièrement avant de vouloir rencontrer ton conjoint. Deuxième leçon, la personne choisie pour vivre avec moi, que je pense que je veux vivre avec elle, que c'est la bonne, est-ce qu'elle connaît Dieu elle aussi? Elle doit marcher avec Dieu également. Et je vous suggère que ça ne doit pas être une... Si ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur, il faudrait que je choisisse une femme qui est presque autant d'années dans le Seigneur que moi, ou égale, afin d'avoir la même maturité spirituelle, afin qu'on puisse prendre les décisions sages avec la même maturité. Si je suis un nouveau croyant de quelques années, ben je devrais chercher un peu la même chose. Une femme ou un homme, tout dépendant de qui on est, avec la même maturité spirituelle, afin qu'on puisse grandir ensemble, qu'il n'y ait pas de niveau, justement. C'est une suggestion personnelle. Troisième conseil, c'est que Jacob a écouté justement le conseil de ses parents croyants qui vous aiment et qui peuvent vous aider dans votre choix. Mais, père, qu'est-ce que tu en penses? Je pense m'engager avec cette personne-là. J'éprouve des sentiments, puis je pense que peut-être c'est l'homme de ma vie, peut-être c'est la femme de ma vie, puis je pense que... Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment est-ce que tu le trouves? Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Quatrième leçon, Jacob a trouvé l'âme sœur, son égale, et non une servante, très important. Pas une servante. Cinquième leçon, Jacob a éprouvé leur amour en prenant leur temps. Ils ont éprouvé leur amour en prenant leur temps. En terminant, je m'adresse aux croyants de cette Église en particulier. Ce message est adressé aux célibataires, aux jeunes croyants, aux adolescents, aux jeunes filles, aux jeunes hommes et aux plus vieux aussi. Mais j'aimerais m'adresser maintenant aux personnes, aux couples, à ceux qui sont mariés à l'Église baptiste de l'Évangile de Val-d'Or. J'aimerais offrir mon aide pour vous les couples qui peut-être passez par des difficultés, qui passaient par des moments difficiles de crise peut-être, de décisions de choses qui vous déchirent, vous n'arrivez pas à vous raccorder, vous vous divisez sur un point, sur une façon de faire, sur une façon de penser, avant qu'il soit trop tard, venez me voir. Venez me voir. Appelez-moi. Je vous offre, je suis volontaire, je désire vous aider. Je ne vise personne en particulier, mais je vous dis, je suis volontaire, je suis prêt à vous aider. Je suis prêt à vous aider, peut-être même à trouver de l'aide ailleurs, à l'extérieur, à trouver une personne qui va pouvoir venir vous aider si moi, je ne suis pas capable. Et si vous n'avez pas cette confiance-là, peut-être en moi, ou vous voudriez quelqu'un d'autre, parce que vous vous dites, ben là, il va prendre pour toi, il va prendre pour moi. Choisissez ensemble une personne, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église, un croyant, une croyante, de mature, en qui vous avez tous les deux confiance et qui saura vous aider. Choisissez d'un commun accord cette personne-là. Et n'attendez pas qu'il soit trop tard, je vous le dis encore. Trop souvent, l'un, on n'est plus sur la même longueur d'onde lorsque ça ne va pas. Pour l'un, ce n'est pas si grave que ça. C'est une tempête, on a vu d'autres, puis on va passer au travers. Et l'autre est déjà parti dans son cœur. Pour elle, c'est déjà fini. Je ne l'avais pas vu venir. Pourtant, je t'ai donné des signes. Ben voyons, quel signe? On n'est plus sur la même longueur d'onde. Il faut se parler. La communication, c'est important. Et si vous n'arrivez plus à faire ça, vous pouvez venir me voir. Je suis disponible dans la confidentialité, dans l'amour, dans le respect. Je vous aime, croyants, croyantes de l'Église baptiste de l'Évangile. Je veux le meilleur pour vous. Je veux qu'ensemble, main dans la main, vous puissiez marcher avec Jésus-Christ encore tout le restant de votre vie. Ne gâchez pas ce que Dieu unit. Hein? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. On va terminer en priant, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, heureusement, tu es là. C'est toi qui es notre ciment. C'est toi qui es notre roc. C'est toi qui es notre rocher, notre sauveur, notre Dieu, devant lequel nous nous sommes unis. Celui qui nous a unis, celui qui unit. Nous partageons, Seigneur, la même foi. Mon Père du ciel, je prie que tu utilises ces enseignements, cet enseignement, afin de bénir, afin de guider, afin d'enseigner, afin de reprendre tes enfants. Afin de les aider à choisir, peut-être, un futur mari, une future femme. Que ce soit le début d'une étude, je réalise, Seigneur, qu'il y a tellement de choses à dire. Mais je ne voulais pas, ce n'est pas un cours à préparation de mariage, c'est seulement qu'un enseignement. Bénis ta parole, Seigneur, convainc-nous par ton esprit. Et je le redis, je suis disponible, utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi dans cette Église envers mes frères et sœurs. Et bénis-les. Pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite bonne semaine et on se revoit dans quelques semaines. On retourne dans la parole de Dieu.